Vous l'avez probablement remarqué, le prix des carburants est en baisse. 9 centimes de moins en une semaine sur le gazole et 5,5 centimes de moins sur le sans-plomb. Pourtant, les aides de l'État et les aides de Total ont baissé le 15 novembre dernier. On pouvait donc logiquement s'attendre à une augmentation des prix. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et surtout, est-ce que ça va durer? Pour vous parler de ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je dois vous parler d'Ademar. Ademar Monoto, il était devant un dilemme. Boire ou conduire, il faut choisir. Et du coup, vu les prix du carburant, eh bien, il avait arrêté de conduire depuis le 15 novembre dernier. En fait, il s'attendait à une très forte hausse. Mais il y a un moment où on est bien obligé de reprendre sa voiture et Ademar a repris la sienne et il va maintenant faire le plein. Et en arrivant à la station-service, il n'en revient pas. Les prix du carburant sont en baisse par rapport à ce qu'il avait connu début novembre. Ademar, il habite dans le Gard et il fait son plein d'essence à 1,65€ le litre. Il regarde comme ça le prix du sans-plomb et il s'aperçoit qu'on est à 1,55€ le litre. C'est des prix qu'il n'avait pas vus depuis le début de l'année 2022, avant le commencement de la guerre en Ukraine. Alors, ça reste plus élevé qu'en 2020 où le prix du gazole était à 1,20€. Mais Ademar ne s'attendait pas à une telle chute des prix. Et il se demande ce qui a bien pu se passer. Eh bien, dans l'ombre, il y a plusieurs choses qui ont aidé Ademar. La première, eh bien, c'est pas forcément une bonne nouvelle. La première raison pour laquelle le prix de l'essence a baissé, eh bien, c'est tout simplement parce que les cours du baril de pétrole ont baissé. Et ils ont baissé pour une raison simple, l'économie mondiale est en train de ralentir et on anticipe une chute de l'économie mondiale l'année prochaine. Certains pensent même que l'économie au niveau monde aura une croissance proche de zéro, aux alentours de 1%. Résultat, le baril de pétrole se négocie à 80$ alors qu'il était à 120$ il y a encore quelques semaines. Alors, si la croissance mondiale à 1% c'est une très mauvaise nouvelle et ça risque de créer du chômage en France, eh bien, malgré tout, il y a aussi une bonne nouvelle qui explique que le plein d'Ademar coûte aussi peu cher. Cette bonne nouvelle, ce sont les États-Unis. Les États-Unis, ils ont décidé que le prix du baril de pétrole devait baisser. Il fallait que le coût de l'essence baisse pour que leurs entreprises et leurs particuliers puissent continuer à consommer et à engranger une croissance. Donc, les États-Unis ont fait tout ce qu'il fallait pour faire baisser le prix du baril de pétrole. D'abord, ils ont puisé dans leur stock stratégique pour mettre beaucoup de pétrole sur le marché. Ensuite, ils ont poussé les entreprises américaines à reprendre des activités de forage pour qu'on puisse dégager encore plus de pétrole. S'il y a plus de pétrole sur le marché, le prix du baril baisse. C'est mathématique. Et puis, ils ont autorisé des entreprises américaines à aller travailler le pétrole au Venezuela, alors qu'il y avait un embargo depuis de nombreuses années. Bref, les Américains avaient réellement envie de faire baisser le prix de l'essence ou le prix du pétrole de manière générale. Mais, Ademar ne devrait pas se réjouir trop vite. Parce que Camille, elle, voit bien que la situation risque de changer. Camille Yoncitern, je vous en ai déjà parlé, elle travaille pour un grand groupe pétrolier français. Et du coup, elle est sans arrêt en train d'acheter et de vendre du pétrole et de voir comment la situation mondiale change et comment pourrait évoluer la demande de pétrole dans les mois qui viennent. Et elle a eu plusieurs alertes. La première, c'est qu'elle pense que les États-Unis risquent d'arrêter de puiser dans leurs réserves stratégiques. Ils n'en ont plus vraiment besoin puisqu'ils ont réussi à faire baisser les prix du pétrole. Donc continuer à utiliser ces réserves stratégiques, ça serait une erreur. Ensuite, elle voit que l'OPEP a décidé de réduire sa production de pétrole. 2 millions de barils jour en moins jusqu'à la fin de l'année. Et là, on a finalement deux secteurs qui approvisionnaient en pétrole, les réserves stratégiques américaines et l'OPEP, qui vont diminuer leur apport. Du coup, moins de pétrole sur le marché. Du coup, une augmentation en principe des prix. Et il n'y a pas que ça. Camille s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose en Chine. Vous savez, en Chine, il y a deux fonctionnaires qui font quasiment tout, Abo et Ayo. Aboli et Ayoli ne sont pas frères, mais ils ont tous les deux un énorme poids sur la politique chinoise. Jusqu'ici, ils avaient mis en place la politique du zéro Covid. Et ils en étaient assez contents. C'était la première fois qu'un truc made in China durait aussi longtemps. Là, malgré tout, on sent que la population commence à se lasser. Alors du coup, ils étaient devant un choix. Soit ils mettaient en place une nouvelle version, le Covid-19 plus pro, et ils pouvaient réenclencher tout le reste, soit ils décidaient de relâcher la pression. Et contre toute attente, il semble que les frères Lee ont décidé de relâcher un peu la pression. S'il y a moins de pression Covid en Chine, ça veut probablement dire que l'activité de la Chine va repartir. Parce que toutes ces interruptions de travail liées au Covid en Chine, fatalement, ça avait baissé la croissance chinoise. Il y avait des usines et des entreprises à l'arrêt. Là, si la Chine décide d'être un peu moins contraignante sur le Covid, eh bien, l'activité chinoise va repartir. Et si elle repart, elle aura besoin de pétrole. On va donc se retrouver avec une demande de pétrole, en tout cas de la part des Chinois, qui va augmenter. Et si la demande augmente, eh bien les prix augmentent. Et puis enfin, Camille ne se remet toujours pas des décisions de l'Europe. L'Europe a décidé de mettre le pétrole russe sous embargo. Et à partir du 5 février 2023, l'Europe va mettre en place une nouvelle mesure. En fait, elle va empêcher toute importation en Europe de produits pétroliers russes transformés. Or, l'Europe, depuis quelques années, elle réduit ses capacités de raffinage. Donc aujourd'hui, on importe beaucoup de diesel russe et on est très dépendant du diesel russe. Si on n'a plus de diesel russe, eh bien ça veut dire que le prix du diesel risque fortement d'augmenter, en Europe en tout cas. Du coup, eh bien, il est très possible qu'Adémar paye son plein d'essence beaucoup plus cher à partir de février 2023. Surtout que l'aide accordée par l'État va aussi changer de forme et que la ristourne qu'il y avait à la pompe va être remplacée par un chèque carburant de 100 euros en fonction des revenus du ménage. Bref, aujourd'hui, on a une baisse du pétrole qui est liée à une action très volontaire des États-Unis pour faire baisser le prix du pétrole et au fait que la croissance mondiale est en train de ralentir fortement. Et demain, eh bien, on risque quand même de voir une remontée des prix du pétrole et donc une remontée des prix de l'essence ou du gazole à la pompe liée à la reprise économique de la Chine, au fait que l'OPEP et les États-Unis vont baisser un petit peu leur production ou l'utilisation de leurs réserves stratégiques, et puis enfin lié au fait que l'Europe a décidé de continuer ses sanctions et ses embargos contre la Russie. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que les prix du pétrole vont continuer à baisser encore, ou est-ce que vous pensez qu'il est temps de faire un petit peu attention, peut-être de faire quelques plein d'avance et d'avoir 2-3 bidons prêts, parce que les prix du pétrole risquent fortement d'augmenter dans les mois qui viennent. Dites-le-moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, un dicton que je dois à Ayo Lee. Si le chien aboie, c'est qu'il n'est pas assez cuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui aident la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt.